Bonjour, monsieur Assafo, bienvenue à l'émission Afrique Plus. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Ottawa. Alors, parlez-nous voir. Alfonso ou Assalfo, c'est quoi véritablement le nom en fait? Assalfo. Assalfo. Oui. Alors, Assalfo, vous êtes le leader du groupe Magic System, c'est ça? Exactement, oui. Je suis le chanteur, oui. Alors, dites-nous, les débuts, parlez-nous un peu voir des débuts du Magic System. Mais le début du Magic System, d'abord c'est un groupe qui s'est formé dans un petit village à Abidjan. Le groupe a fait son petit bonhomme de chemin d'abord dans l'animation. On faisait tous de l'ambiance facile, comme on le dit à Abidjan, du royaume, mais c'était juste pour animer le quartier et puis animer souvent aussi quand on est à l'école. Alors, disons qu'on s'est tous rencontrés quand on était petit. Mm-hmm. On était tout petit, on s'est connus à 6-7 ans. Et puis bon, voilà, donc on faisait ça pour s'amuser, tout ça, mais jamais on avait pensé qu'un jour on allait faire carrière, tu vois. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que la passion a pris le dessus sur les études, donc on a tout arrêté pour se consacrer entièrement à cette voie-là, jusqu'en 1997, où nous avons décidé de mettre sur le marché notre premier album. Voilà. Votre premier album qui s'intitulait à ce moment-là, en 97, Papitou, oui. En fait, et puis vous aviez une chanson phare qui s'appelait Momo. Oui. Ouais. Alors, dites-nous voir de cette première, de ce premier album, vous avez créé un deuxième, Premier Gaou, qui vient en oui. 1999 en Afrique, 2000 en Occident. Oui, c'est ça, oui. Ce Premier Gaou est notre deuxième album. Il est sorti 2 ans après Papitou. Il est sorti exactement en septembre 2000, en septembre, pardon, en septembre 99. Mm-hmm. Et c'est l'album qui nous a révélé au grand public, c'est l'album qui nous a révélé au monde entier. Mm-hmm. Voilà. Alors, avant de parler de plusieurs de vos albums, parce que vous êtes à votre quatrième, on va parler de ça plus tard, mais parlons un peu de votre style de musique. Le style de musique que vous jouez, c'est du zouglou, c'est du zouk, c'est... Non, c'est très loin du zouk. Ok, expliquez voir ça aux Africains ou aux Canadiens qui vont vous écouter. Mais il faut dire que le zouglou, c'est un style musical qui est né sur les campus universitaires à Abidjan, qui au début servait aux étudiants à exprimer leur mécontentement vis-à-vis de nos autorités, parce qu'à l'époque il y avait pas mal de problèmes quand même sur le campus. Mm-hmm. Les étudiants étaient confrontés à certaines difficultés. Oui. Et par rapport à ça, ils en avaient ras le bol et ils voulaient dire quelque chose. Donc le zouglou était un créneau pour eux pour s'exprimer. Au début, c'était sur les tam-tams qu'ils exprimaient leur mécontentement. Et après, bon voilà, les musiciens en Côte d'Ivoire ont trouvé un style de musique qu'on pouvait adapter à ça, et puis bon, voilà, les étudiants ont fait sortir leur premier album, et c'était le premier album zouglou. Mm-hmm. Et ce groupe-là s'appelait Les Parents du Campus, et c'est à partir de là que tout le monde a compris qu'il y avait une musique à travers laquelle on pouvait lancer un message, qui était le zouglou. Mm-hmm. Donc à un moment donné, le zouglou n'était pas seulement une musique pour revendication estudiantine, mais c'était devenu une musique de revendication tout court, parce que il y avait les revendications sociales aussi. Mmh. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'avènement de plusieurs groupes, chacun avec son style. D'autres chantaient le comportement des femmes, d'autres chantaient le vécu quotidien, d'autres chantaient les problèmes sur le campus, d'autres chantaient les salubrités à Abidjan. Donc chaque groupe est venu comme ça avec son style. Et c'est resté là, c'est parti à partir de là jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce style musical-là a quoi, parce que c'est en 91, donc on a près de 17 ans d'existence, le zouglou. Pratiquement 17 ans, voilà. Et en fait, vous avez parlé de ça un peu, les thèmes de vos chansons sont inspirés de votre environnement socio-économico-politique culturel. Et Premier Gaou sort un peu de cette mouvance-là. Dites-nous voir, Premier Gaou, c'est quoi? Expliquez voir, parce que tout le monde entend parler Premier Gaou, Premier Gaou, on en chante, on rechante. Et on a refait cette chanson, vous l'avez chantée, Premier Gaou à Paris, Premier Gaou à Oran. Premier Gaou, c'est vraiment quoi, dites-nous voir. Mais Gaou, c'est... quand on dit quelqu'un est gaou chez nous, c'est quelqu'un qui est idiot, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Mmh. Et dans le contexte de la chanson, le gaou que j'ai chanté, c'était de moi-même que je parlais. C'était une auto-injure, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est... J'ai raconté l'histoire d'une fille qui m'avait tourné le dos quand j'avais besoin d'elle. Mmh. On était, elle et moi, on était des petits amis. Et puis bon, quand ça n'allait pas chez moi, elle a décidé de partir. Ouais. En quelque sorte, j'ai décrié le comportement de femme qui ne vivait que l'amour matériel. Mmh. Et ça m'a tellement touché que je prenais ça. Bon, je la taquinais de temps en temps avec... avec ce titre, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui se reconnaissaient en ce titre. Donc quand l'album est sorti, boum, ça fait vraiment un boom. Et puis tout le monde a adhéré à l'album parce que j'ai raconté ma mésaventure avec une certaine humour qui a plu, que les gens ont aimé par rapport à l'authenticité de l'histoire, par rapport aux paroles qui étaient dedans. Mm-hmm. Les gens, ils ont aimé. Donc aujourd'hui, le groupe Magic System est étiqueté Gaou. Et comme je le dis, partout où je passe, je dis, je suis l'ambassadeur de tous les Gaou. Question de rire un peu avec les fans. Je leur dis que le Gaou, c'est celui qui s'est fait avoir. Voilà. Et le Gaou, c'est donc, l'explication est faite, tout le monde est clair et j'espère que les gens comprendront exactement par rapport à votre explication. Et dites-nous, dans votre, depuis que vous avez commencé dans les années 91, 80, dans les années 90, disons, il y a beaucoup de gens qui vous ont marqué dans Magic System. Il y a quelques noms que je vais vous citer, Claude Bassolet, Angelo Kabila, Passy de Bissona Bisso, Alpha Blondie, le grand Jagger, Brenda Fassi, Claudicia, les Bob Sinclair, la liste est très, très, très longue. Dites-moi voir, qu'est-ce que ces gens représentent dans le parcours de Magic System? Non, c'est des gens qui, plus ou moins, ont apporté un plus à notre carrière. Claude Bassolet, c'est notre premier producteur. C'est oui. Lui qui a produit le premier album Papito. Bon, Angelo Kabila, c'est notre ex-manager. Mm-hmm. C'est lui qui au début, avait pris au groupe. Et puis, on s'est mis ensemble. On a bravé toutes les tempêtes pour sortir premier Gaou. Donc, mm-hmm. C'est quelqu'un à qui on doit reconnaissance aussi. Il y a Claudicia qui au niveau international a apporté vraiment, je dirais, un plus au groupe parce que c'est lui qui a eu le courage de mettre le titre en playlist sur les ondes de Radio France Internationale. Oui. Et a fait connaître le groupe un peu partout en Afrique et en France. Et puis bon, voilà, donc chacun, Alpha Blondie, on a eu à faire une collaboration parce que c'est un grand frère et quelqu'un pour qui on voue vraiment un grand respect, qui a accepté de faire un titre avec nous sur notre avant-dernier album. Mm-hmm. Brenda Fassi aussi, on a eu une collaboration avec elle, c'est quelqu'un qui a aimé le groupe et qui de manière spontanée est venu faire un titre avec nous. Et puis bon, voilà, pour ne citer que ceux-là. Et Brenda Fassi, pour parler d'elle, vous êtes... pratiquement l'un des derniers groupes à avoir réalisé un duo avec elle avant qu'elle ne décède. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on était allé pour le tournage du clip du Ngaou à Paris, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et puis, comme on s'était déjà connu depuis Abidjan et on avait déjà fait un titre sur l'album Poisson d'Avril, mm-hmm. On est allé chez elle en studio et puis on a improvisé quelque chose, voilà, qui par la suite... est sortie à titre posthume parce qu'au moment où l'album sortait, elle venait de décéder, donc c'est sorti à titre posthume et vraiment on est content d'avoir été le dernier groupe à faire quelque chose avec cette dame-là qui a marqué de son empreinte la musique africaine en général. Une chanson que vous avez intitulée Matilisso, hein, et vraiment c'était la rencontre du Zouglou et des Zoulous. Ouais, c'était ça, c'était la rencontre de deux cultures différentes et c'est ce message-là qu'on voulait passer pour dire que la musique n'a pas de frontières. Et puis aujourd'hui, c'est bien de faire le brassage des cultures, aller à l'encontre d'autres cultures. Je pense que c'est quelque chose qui peut enrichir un artiste. Parce qu'un artiste, c'est celui qui découvre aussi d'autres styles musicaux. Voilà. Mm-hmm. Et dites-moi voir, Magic System, le nom, il vient d'où? Qui a créé ce nom-là? Racontez-nous un peu la petite histoire. Oui, le nom, il est venu d'une manière anecdotique, si je peux me dire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est par manque de moyens que ce nom-là est venu, parce que on devait participer à un concours où tout le monde devait se vêtir d'uniforme, mais on n'avait pas d'uniforme. Mm-hmm. Il y avait le marathon de la ville d'Abidjan qui était sponsorisé par une marque culinaire qui était Cube Magie, donc on a porté ce t-shirt-là, on est arrivé. Le groupe n'avait pas de nom, et puis quand on est arrivé, ils ont demandé c'était quel groupe. Les gens ont dit, ouais, c'était le groupe Cube Magie. À la radio, ils ont trouvé que ça faisait de la pub, et puis on a dit, bon, non, c'est au lieu de Cube Magie, on pouvait dire le groupe Magique. Donc, c'est resté Magique, et puis par la suite, le système est venu. Voilà, et vous êtes resté le groupe des magiciens qui fait rêver les gens depuis plus de 17 ans maintenant, en fait. C'est ça, oui. Alors, vous êtes en tournée, vous êtes à votre tournée canadienne. Est-ce que c'est votre première tournée en Amérique du Nord, au Canada? Oui, c'est la première tournée en Amérique tout court. Parce qu'auparavant, on n'avait jamais joué en Amérique, même si je venais souvent dans des visites privées qui n'avaient rien à voir avec la musique. Il faut dire que c'est la première fois que Magic System joue au Canada, et pour nous, c'est une manière de découvrir un autre continent, un continent qui plus ou moins connaissait le groupe Magic System, mais que de par sa musique, mais on ne connaissait pas comme ça le groupe, même physiquement parlant. Donc, là, on est venu aussi pour essayer de voir si on peut aller à la conquête de l'Amérique. Voilà. Et comment vous trouvez l'accueil dans toutes les gens? On sait que vous êtes là depuis quelques jours quand même. Oui. Et comment vous trouvez l'accueil des populations, des Canadiens et des Canadiennes? Mais c'est un accueil chaleureux. Contrairement à ce qu'on croyait, moi, on se disait qu'on allait venir un nouveau groupe, mais on remarque que vraiment les gens, ils connaissent Magic System ici, mais seulement ils n'arrivaient pas à mettre une image au groupe. Mm-hmm. Et je pense que vu déjà les préparatifs du spectacle, on voit déjà qu'il y a de l'engouement dans la ville, et vraiment on sait qu'on va s'éclater, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et vous êtes, quand vous êtes un groupe de magiciens, vous êtes identifié par Premier Gaou, est-ce que à long ou à court, à moyen terme, on va voir, vous allez chanter peut-être, nous allons voir bientôt, vous allez chanter un Premier Gaou à Montréal, à Ottawa, ou alors au Canada ou en Amérique, Premier Gaou en Amérique? Ah, mais c'est vrai que l'étiquette Gaou quand même est un peu collée au groupe. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abuser, mais oui, je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à découvrir que Premier Gaou, parce oui, qu'à partir de Premier Gaou existe il y a 10 ans, oui, mais je pense qu'après ça, on a fait sortir plus ou moins des titres qui ont marqué, et je pense que c'est ce titre-là que les gens découvriront. Ils verront que c'est vrai que Premier Gaou a lancé le groupe Magic System, et aujourd'hui, qui dit Magic System dit Premier Gaou, comme dans l'histoire de tout chanteur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore plus importantes que Premier Gaou a découvert avec Magic System. En septembre dernier, vous aimez bien le mois de septembre, vous sortez toujours d'habitude vos albums. Oui. Le septembre dernier, en 2007, est sorti votre dernier album, Qui dit mieux. Oui. Ça, c'est la version internationale, mais à Abidjan, l'album s'appelle Tapedo, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, parlez-nous un peu, vous avez eu la collaboration de Diams, Faf la Garée, Corée, Belek, des featuring comme ceux-là. Dites-nous quelques mots par rapport à cet album-là, Qui dit mieux? Mais l'album Qui dit mieux, moi, je pense que c'est l'album de la maturité, l'album de l'expérience, tout ça, parce qu'après 10 ans de carrière, quand on fait sortir un album, je pense que on a acquis quand même une certaine expérience. Donc cet album, c'est un album qui est riche en couleurs, riche en son, riche en rythme, parce que c'est vraiment, il y a eu pas mal de travail dessus, il y a eu tout un professionnalisme qui a été mis autour de cet album. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je suis content qu'il soit sorti le mois dernier au Canada, et je pense que les gens, ils auront le temps eux-mêmes de découvrir toute la richesse, toutes les valeurs qui sont dans cet album, tout le travail qui a été abattu pour faire sortir cet album. Mm-hmm. Donc pour nous, c'est le cinquième album et c'est l'album de la maturité. Mm-hmm. Vous êtes à Montréal le 5 avril, mm-hmm. vous serez à Ottawa le 6 avril. Et qu'est-ce que vous préparez, qu'est-ce que vous donnez comme un avant-goût à ceux et celles qui hésitent encore, qui disent « Ah, mais est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là ?» Qu'est-ce que vous voulez leur dire là, s'il manque ce spectacle? Mais déjà, c'est pour leur assurer que le groupe est là. Oui. Et le spectacle qu'on va donner, c'est un spectacle Magic System au grand complet. C'est vrai que Magic System, on voit 4 personnes. Mm-hmm. Mais Magic System sur scène, c'est toute une batterie qui est là. C'est 10 personnes, c'est 6 musiciens. C'est l'orchestre au complet, c'est chanté en live. C'est pas un sound system, comme on le dit, ou un playback. Mm-hmm. Venir chanter sur la musique, c'est pas ça. Mais c'est tout l'orchestre qui s'est déplacé et... Quand Magic se déplace avec tout son orchestre, c'est pas pour servir du petit show, c'est du balèze qu'on va donner, c'est un groupe avec ses chorégraphies, c'est un groupe avec ses pas de danse, c'est un groupe avec sa communion avec mm-hmm. le public, c'est un groupe qui, vraiment c'est un spectacle qui ne se raconte pas, qui se vit, parce que nous, c'est notre joie de vivre qu'on est venu partager avec... les Canadiens. Donc, ce petit truc qu'on a, on veut le partager avec tout le monde. Et puis surtout, vu les conditions météorologiques d'ici, je dirais que les Canadiens ont besoin un peu plus de chaleur. Voilà. C'est le moment de venir en acquérir. Voilà. Et dites-nous, Magic System, vous êtes dans votre première tournée nord-américaine, vous êtes au Canada, et vous êtes une nouvelle génération de jeunes leaders et jeunes Africains qui essaient de prendre les devants de la scène par rapport à une certaine élite en Afrique que nous déplorons tous et qui a failli d'amener le peuple à un certain endroit. Quel sentiment cela vous donne de cette responsabilité-là, être jeune, avoir autant de popularité et avoir des choses que vous faites rêver les gens? Alors, quelle est la dose de responsabilité que cela vous implique dans votre groupe Magic System? Mais je pense que aujourd'hui, c'est vrai, on dit que Magic System est le symbole de la persévérance de tous ces jeunes-là. Magic System, c'est le groupe qui donne de l'espoir. Mm-hmm. Et en même temps, on se rend compte aussi vraiment, comme vous le dites, que c'est une lourde responsabilité. Ouais. On a ce devoir-là de ne pas décevoir, et on a ce devoir de se battre pour que cette nouvelle génération-là ait quand même espoir d'avancer, parce que quand on regarde le parcours de Magic System, on se dit que rien n'est impossible. À force de se battre et de se persévérer, on peut un jour arriver à atteindre son objectif. Mm-hmm. Donc nous sommes en quelque sorte le miroir de ces jeunes qui sont désespérés en Afrique, qui se disent que voilà, il n'y a plus d'issue de sortie. Tout ça aujourd'hui, quand ils écoutent Magic System, ils se disent on a envie de se battre. Et cette bataille-là, ça n'incombe pas seulement Magic System, ça incombe tout le monde. C'est vrai que c'est une lourde responsabilité pour nous qui sommes les élites de cette nouvelle génération, mais ça appelle tout un monde à prendre conscience et ça donne de l'espoir. C'est pourquoi à travers nos chansons, vous entendrez seulement que des messages d'espoir, des messages de persévérance. Et on doit inciter aussi tous les jeunes qui sont restés en Afrique à travailler, parce que c'est... quand on persévère beaucoup que ça ne marche pas, la chose qui vient tout de suite, c'est la paresse, c'est le découragement. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas baisser les bras, comme on le dit. Donc, nous, on doit inciter tous les jeunes à se battre et à persévérer dans la positivité et puis à être optimiste quant à leur avenir. Magic System, c'est un groupe qui s'est battu, qui est parti de rien du tout, qui s'est battu dans les ghettos pour être là aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible pour les autres, même s'il y a le facteur chance qui joue. Mm-hmm. Mais je pense que chacun doit jouer aussi sa carte, quoi. Voilà. Mm-hmm. En terminant, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux, celles qui vont vous écouter samedi, quand on va passer cette entrevue, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel est le message que Magic System a envie d'adresser à ceux qui vous connaissent, à ceux qui ne vous connaissent pas et ceux qui ont envie de vous découvrir? Mais j'ai envie de dire à tout le monde que de faire le déplacement pour voir Magic System, pour ceux qui connaissent déjà Magic System, qui n'ont pas encore vu Magic System en spectacle, je pense que le moment est venu, parce que ça, ça fait partie d'un des tournants de notre carrière, ça va marquer l'histoire, c'est notre premier spectacle en Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc, c'est comme un début de carrière pour nous en Amérique, et ils doivent être témoins de ce début-là. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas Magic System, je pense que c'est maintenant qu'il faut le découvrir. Parce que généralement, l'image qu'on laisse passer de l'Afrique, c'est une image où on parle d'une Afrique en guerre, d'une Afrique qui est dans la famine, d'une Afrique qui est dans les coups d'État. Mm-hmm. Mais nous sommes venus au Canada pour montrer aux Canadiens que l'Afrique aussi a ses valeurs culturelles. Et c'est ces valeurs culturelles-là que nous voulons... que nous voulons montrer aux gens ici, que nous voulons partager avec les gens pour qu'ils viennent voir que l'Afrique, c'est pas seulement les guerres. L'Afrique a sa joie de vivre. Et comme on le dit, la joie de vivre, c'est des choses qu'on n'achète pas. Et on en a tellement qu'on veut partager avec ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est une occasion pour tout le monde de venir communier avec Magic System. Ne serait-ce que pour 1h30, 2h, les gens ils vont se ressentir en Afrique, ils vont se ressourcer et ensemble, on va s'amuser. Comme mm-hmm. on le dit dans nos chansons. Voilà. Et écoutez, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci de vous nous avoir accordé une entrevue à l'émission Afrique Plus. Et nous attendons des pieds fermes de vous voir en personne ici dans la région de la capitale nationale ici au Canada à Ottawa. Oui, mais ça serait un plaisir pour nous. Ça va nous permettre de découvrir Ottawa aussi. Mm-hmm. Mais dimanche, il faut que tout le monde vienne pour que ensemble on s'amuse parce que ça va être un show époustouflant. Donc venez, comme on le dit, avec Magic System, tout le monde aura la maladie du bouger, personne ne va s'asseoir. Salut, moi c'est Asalfo du groupe Magic System. Si tu veux pas être gaou, écoute la radio de l'Université d'Ottawa, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Ouais, dimanche 6 avril. Merci beaucoup Asalfo, on a hâte de te voir. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir.